bien pimenté. Un petit bout de saucisse enroulé dans sa c'est plastique. Hey, qui salade des marinettes bien pimentées. Un petit bout de saucisse à l'épaule qui glisse dans le gosier. Marinette passée de mi à maintenant au pique-nique. Côté bassin bleu, là-bas le ciel est bleu. Marinette, mon gars, t'es pas besoin, t'y casses la tête. Ton petit bout de saucisse, moi l'a pas oublié. À soleil, les sur ton petit pédale, on est dans un joli maillot. Allons à où si les bonnes m'a mettre la crème si ton dos. À soleil, les sur ton petit pédale, on est dans un joli maillot. Si ton ventre crie, madame, toi et un petit bout de saucisse. Et ça là, c'est marinette, il gagne pimenté. Un petit bout de saucisse, enroulé dans sa c'est plastique. Hey, qui salade des marinettes, il gagne pimenté. Un petit bout de saucisse, ça les bon, il glisse dans le gosier. Qui salade des marinettes, il gagne pimenté. Un petit bout de saucisse, enroulé dans sa c'est plastique. Hey, qui salade des marinettes, il gagne pimenté. Un petit bout de saucisse, ça les bon, il glisse dans le gosier. Enroulé dans sa c'est plastique. Hey, qui salade des marinettes, il gagne pimenté.